Bonjour, bonsoir. Vous êtes là? 7, 5, 2. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? 7, 5, 2. Non? Pourtant, vous devriez. Ah oui, vous n'êtes pas des bons élèves, hein? Oh, élève, c'est un grand mot, hein? C'est vraiment un grand mot, élève. 7, 5, 2, 752. C'est le nombre d'émissions que vous avez écoutées, 751 plus celle-ci, parce que j'espère bien que vous allez l'écouter jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour un autre voyage, accordéonistique par moment, et par d'autres moments, la belle chanson française. Oh, peut-être y aura-t-il... dans cette émission, musique folklorique d'autres pays? Ah, peut-être. Peut-être. Faut voir. En tout cas, si vous restez avec moi pendant les 2 heures que nous allons occuper, eh bien, vous allez vous rendre compte d'un certain nombre de choses. J'arrête de parler et je vous invite. À suivre cette émission. Rendez-vous avec vous, 752e, avec Guy. D'aller en vendange et de grappillonner dans ton petit panier. Ninette, ninette, viens donc vendanger en ta petite serpette ton gentil panier. Toi, le soleil brille sous les échalas par ton main gentille, oui, le talent. Ah, l'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier. Sous la mousseline de ton corsage blanc, mon amour devine un trésor charmant. Viens sous la coudrette, tous deux et mon nom, je te ferai une ninette, un plaisir bien doux. L'envie me démange d'aller en vendange et de grappillonner dans ton petit panier. Il y en a plein les mains, que la grappe est belle, que la danse sont noirs, le bon vin dit-elle, coulera du pressoir. Ah, l'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier. Ah oui, le petit panier de Claudie Musette. L'ambiance est mise. Et on y retourne pour pas perdre de temps. Et on va jouer avec le rétro. We'll be right back. Ah oui, ce sont des beaux souvenirs. Hein. Ah oui, c'est de l'accordéon pur et simple, comme qui dirait l'autre. Allez, avec le temps des gueules noires et avec l'ami Aurélien. Ils avaient la couleur du fer, la couleur des gens fatigués. Une gueule noire au cœur de pierre, mais tant d'amour à partager. Homme de l'ombre et des enfers, dans la torpeur du fond des puits, ils gardaient tous le goût amer d'une vie qu'ils n'avaient pas choisie. Que reste-t-il du temps des gueules noires? Un vieux terril sur la photo jaunie, et du charbon pour graver dans l'histoire le souvenir des mineurs du pays. Ils avaient la couleur du fer, et dans leur tête bien rangée, des souvenirs d'entre-deux-guerres, la nostalgie du temps passé. Et pendant des années entières, ils n'avaient fait que voyager, parcourant mille lieues sous terre, dans la peur et l'obscurité. Que reste-t-il du temps des gueules noires? Un vieux terril sur la photo jaunie, et du charbon pour graver dans l'histoire le souvenir des mineurs du pays. Ils avaient la couleur du fer, la couleur des mineurs de fond, souillés pour cacher leur misère sous de l'or noir ou du charbon. Ils parlaient des années Jaurès, du temps où les coups de grisou gâchaient l'espoir de leur jeunesse, et des dangers du fond du trou. Que reste-t-il du temps des gueules noires? Un vieux terril sur la photo jaunie, et du charbon pour graver dans l'histoire le souvenir des mineurs du pays. Ils avaient la couleur du fer, la couleur des gens fatigués. Quand ils plongeaient dans la poussière, ils n'inspiraient que le respect. Ils avaient la couleur du fer, mais une tendresse infinie, cherchant dans l'ombre la lumière, des galeries. Que reste-t-il du temps des gueules noires? Un vieux terril sur la photo jaunie, et du charbon pour graver dans l'histoire le souvenir des mineurs du pays. Que reste-t-il du temps des gueules noires? Un vieux terril sur la photo jaunie, du charbon pour graver dans l'histoire le souvenir des mineurs du pays. Ah oui, ce petit voyage dans le nord avec le terril Et bien, et le temps de des gueules noires, voilà un voyage qui nous met du baume au cœur. Est-ce que vous croyez aux anges ? Eh bien, c'est le moment hein, d'y croire, parce que c'est ce que je vous propose. Il faut croire aux anges. Prochain printemps, un tour de manège, la joie d'un enfant. Il faut croire aux anges, aux petits miracles de la vie. Il faut croire aux anges et voir les étoiles. Il ne suffit pas de dire fous. Ça ne suffit pas de s'imaginer. Il ne suffit pas d'y croire. Ça ne suffira jamais. Il ne suffit pas de projet d'avenir, ni de promesses que l'on se fait. Il faut se faire amour tous les jours un peu plus fort. Il faut se faire l'amour entre la vie et la mort. Il faut se faire l'amour même le corps fatigué. Il faut se faire l'amour et tous les jours recommencer. Pas de chanter, appel à solidarité. Il ne suffit pas de croire en ses idées. Ça ne suffit pas de se révolter. Il faut se faire l'amour tous les jours un peu plus fort. Il faut se faire l'amour entre la vie et la mort. Il faut se faire l'amour même le corps fatigué. Il faut le faire encore et tous les jours recommencer. Il ne suffit pas de projet d'avenir, ni de promesses qu'on ne tient jamais. Il faut se faire l'amour tous les jours un peu plus fort. Il faut se faire l'amour entre la vie et la mort. Il faut se faire l'amour même le corps fatigué. Il faut le faire encore et tous les jours recommencer. Il faut se faire l'amour tous les jours un peu plus fort. Il faut se faire l'amour entre la vie et la mort. Il faut se faire l'amour même le corps fatigué. S'aimer pour faire l'amour, se faire l'amour pour s'aimer. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Des enterrements. Ils l'ont trouvé ce matin, essayé nos lendemains. Ils l'ont coupé ce matin, essayé nos lendemains. Time.

Ah, voilà, donc c'était les Los Burrianos. Et puis là, ben, ça va être tout simplement le retour de l'enfant prodige. C'est ça qu'on dit, hein. Oui, oui, bien sûr. Ah, il est revenu, hein. Il est revenu chez lui, le pompier de service, dites donc. Vous vous rendez compte, ça faisait 3 mois qu'on l'avait pas entendu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh bien, il est toujours là et en bonne forme. Et je vous garantis que c'est un type qui n'oublie rien. Ah non, non, il n'oublie rien, ce pompier de service. Eh bien, mon cher ami Alain, puisque tu n'oublies rien, moi non plus. Chiffon rouge, Michel Fugain, qui nous fait ce grand plaisir, mais pas rien qu'à nous, mais aussi à l'ami Alain, le fidèle de chez Fidèle. c'est déjà fini, dites-donc. Mais quand c'est fini, ça recommence. Mais c'est qui ? Mais c'est Jojo ? Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo, mais c'est Jojo le cubano, mais c'est Kiki, mais c'est Kiki, mais c'est Jojo avec Huguette. Il arrive de Cuba, où l'on danse la salsa, au pays du cigare, il était Balthazar. Il avait du succès, toutes les femmes le voulaient, il a dû s'exiler, les hommes le pourchassaient. Mais c'est Jojo, roi du tango, mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo, mais c'est Jojo, roi du passo, mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo, mais c'est Jojo, le cubano, mais c'est Kiki. Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo avec Paulette. Depuis qu'il est en France, il donne des cours de danse. Faut dire qu'il est doué, surtout son déhanché. Dès qu'il y a la fête, au village il s'arrête pour danser toute la nuit. Les gens demandent c'est qui. Mais c'est qui? Mais c'est qui celui-là? Mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo. Mais c'est Jojo, le roi du tango. Mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo. Mais c'est Jojo, le roi du passo. Mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo. Mais c'est Jojo, le cubano. Mais c'est Kiki. Mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo avec Ginette. Dans le village, il est sans doute le plus doué pour conquérir les femmes qui ont perdu leur âme. Ce qui arriva à la belle Maria, la femme du maire seulement attendait un enfant. Et quoi? Un enfant? Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo. Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo. Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo. Mais c'est Kiki, mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo, le roi de la braguette. Mais c'est Kiki. Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo. Mais c'est Kiki, mais c'est Jojo. Mais c'est Kiki, mais c'est Kiki. Mais c'est Jojo, le roi de la braguette. Eh oui, c'est Jojo, le roi de la braguette. Là où il Enfant les sabots, Marie, ouvre la barrière de la jument, enfant les grelots. Quand c'était grand jour de foire, on s'en allait tous les deux, bien pressés à ne pas croire, heureux comme des amoureux. Marie, ouvre la barrière de la jument dans les sabots. Marie, ouvre la barrière de la jument dans les grelots. Ouvre la barrière de la jument dans les sabots. Marie, ouvre la barrière de la jument dans les grelots. Ma jument est toujours belle, moi je suis devenu bien vieux. Sont les enfants qui la t'aiment, j'en ai le cœur en vieux. Très beau l'opiedo, des mots humains, Yahweh l'ousso. Marie, très beau l'opiedo, des mots humains, Yahweh l'ouvre-lo. Ah, c'était Marie, ouvre la barrière avec Claudie Musette. Allez, on va pour débuter cette deuxième partie de l'émission, eh bien, nous allons faire quelque chose d'un peu spécial. Oui, les trois ténors, ça vous parle ? Eh oui, eh bien, c'est les trois ténors que nous allons écouter pour le plaisir personnel d'Henriette. Merci Henriette d'avoir choisi les trois ténors. Au sole mio. Serena dopo la tempesta

vent dans la montagne qui doucement me dit de revenir. C'est la rivière qui coule avec mes larmes quand je repense à tous mes souvenirs. Et ceci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, il va se passer une chose, c'est que nous allons nous retrouver dans le quart d'heure italien, n'est-ce pas? C'est parti! Mi ricordo quel viso, mi ricordo quegli occhi nella valera. La guardavo ogni sera col suo far armonioso mentre ballava. Era bella davvero, io le dissi signore, vorrei ballare. Lei mi strinse la mano e il suo corpo divino soffocò questo cuore. Suona una fisarmonica, suona ogni sera, ma nel mio cuore c'è un pianto, c'è una preghiera. Suona una fisarmonica. musica suona ogni sera, ma lei non mi è più accanto, chissà chi è. Guardo la gente e in ognuno di loro vedo il suo volto, ma io no, non dispero, rivedrò, son sicuro, il suo sorriso. Al pensiero il mio cuore corre forte perché è innamorato, mentre un vecchio motivo così dolce e struggente mi ferisce ancor più. Piange una fisarmonica, piange ogni sera, le note sue son tristi, per me soltanto. Piange una fisarmonica, nella valera, mentre c'è un cuore in franto. Italien, c'est sur le 91 et sur le 102.5, et c'est particulièrement dans cette émission Rendez-vous avec vous. Addio bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciar. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognar. Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. Non ti potrò scordare, piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Al tuo allegro studente di un giorno lontano e adesso dottor, io curo la povera gente ma pure non riesco a guarire il mio cuor. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amor a Torino lasciato il mio cuor. Non ti potrò scordare, piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Quel mazzolino di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolino di fiori che vien dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando vien lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando vien, stasera quando viene, sarà una brutta sera, stasera quando viene, sarà una brutta sera, e ma perché sabato sera lui non è venuto a me, e ma perché sabato sera lui non è venuto a me. De la part d'Henriette pour Vanda. Voilà, c'est fait, c'est dit. Un giorno con nostalgia. passati anni nulla è cambiato. Il mio sogno è quello di ritornare con tanta ansia, premo e non amor, amor, amor. lontano, l'ho colta solo per te, perché ti amo. Nostalgia d'un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. D'un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Restar fedeli a chi non c'è, meglio vivere soli con la speranza che dentro te. Non ho che una chitarra per poter ricordare ripenso al passato, rivivo quei momenti col mio amore perduto. Questa dolce canzone che ti canto col cuore mi ridà la speranza che tu ritorni da me e mi faccia felice. Cette guitare que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. FM, la radio la plus proche de chez vous.